sympa. C'est bon fait. C'est bon fait. Tu les mets là où pour toi c'est le plus important. Après tu peux mettre les trois mêmes endroits, tu peux en faire deux, une. Pourquoi? Parce que c'est quoi ton vrai contrat? Tu peux faire changer les choses. Pour pister les gens sur l'anonymat. Ah oui, moi je trouve ça très bien. C'est quoi la... mais laissez qu'elle dise. Oui, oui. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? De quoi? Il est mal écrit. Il y a des couches que nous ajoutons. De quoi? Non, mais c'est pas dans les citoyens. J'écris mal, peut-être tu m'as pas lu. Vas-y, aussi, hein, si tu dois répondre. Ouais, moi je mets mes trois gommettes au même. C'est super choquant. Tu dois répondre à ta mère Tu dois lui répondre là, si elle t'appelle. Juste avant l'heure. Ouais. Alors, moi j'ai prévu que ça se termine à 9h30. Pour l'instant, on est en train de rattraper notre retard. Donc, peut-être on va essayer de venir avant. Okay. Au plus tard, ce sera 9h30. On a avancé pas mal, donc parce que là, elles avaient dit plutôt 9h. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort là voilà. Oui, c'est les choses. On va essayer de finir vite si vous, si c'est trop long là, la soirée. Alors, en grande majorité, vous avez été pour celui-là. Et ça veut dire la possibilité d'être choqué par des images dont on n'est pas prêt à voir. Mais il écrit pas la porno. Porno. J'ai écrit porno. Voilà. Il y en a trois autres. Un autre qui est en deuxième, c'est bannir les propos haineux, faire circuler des fausses preuves et trop jeune, 13 ans. Mais donc, le premier, en grande majorité, ce serait celui-là. Alors maintenant, on va faire un petit jeu de rôle. Là, c'est le dernier truc qu'on va vous demander. J'avais un petit document, mais non, mais on va pas insister. Vite fait, c'est le dernier truc. Là. C'est le dernier effort de la soirée. On va faire tous un rêve ensemble. Un rêve? Ouais. C'est comme ça, un rêve. On va t'expliquer. Voilà. On ferme les yeux. Un saut dans le futur, pas par terre. Hein. On ferme les yeux là, hop, et on se réveille, on est dans 5 ans, en 2027. En 2027. Ok. Ah putain, je suis riche. En fait, en 2027. Doucement les filles. Je souris. Ça y est, vous êtes prêtes, on est en 2027. Les filles, concentration. On y est. Alors, figurez-vous qu'en 2027, sur Internet, il n'y a plus du tout la possibilité d'être choqué par des images qu'on n'est pas prêt à voir. Ce problème-là n'existe plus. Vous avez réussi à résoudre ce problème. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réfléchir ensemble, chacune son tour, sans trop réfléchir. D'ailleurs, les premières idées qui vont vous venir, on peut imaginer tout ce qu'on veut, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 5 ans, qui a fait que ce problème-là n'existe plus? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022, le soir où on s'est retrouvés là, et 2027, là on est en train de faire un podcast pour essayer de comprendre, et comment vous avez réussi à faire ça? Il y a eu des manifestations. Alors, non, c'est la magie. Non, on va le faire en trois étapes. En fait, je vous explique la règle. On va faire circuler le micro pareil. Je vous explique la règle, les filles, qui est super importante, c'est que chacune son tour, on va donner une idée de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans qui a résolu le problème. Okay. On n'a pas à commenter sur ce qu'une personne a dit. Chacune a le droit de rêver comme elle veut. On se fait passer le micro. Si on n'a rien à dire, on fait passer le micro, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de parler. On va faire plusieurs tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune idée. Oui, on peut faire plusieurs rêves. Les adultes peuvent participer et avoir des rêves aussi. Et ce qui serait bien, c'est que... Je vais prendre des notes. Je vais prendre des notes. Une autre feuille. Derrière, ça sera au dos. On refait le système du micro bâton de parole. Okay. À qui je le donne pour commencer? Qui veut commencer? On fait dans le sens inverse. Un truc, tu, Audrey, tu t'insuffles le... Merci. Et filles, on s'est Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ? Il y a eu une réforme du CSA. Je vais expliquer, je sais que dit comme ça, là. une réforme du CSA. Donc le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et vous en avez tout entendu parler, parce que c'est le truc qui met le petit pims en dessous des films pour dire interdit au moins de 10, interdit au moins de 12, interdit au moins de 16. Et moi, personnellement, je trouve que la barre, elle est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que des fois, il y a des films que moi, personnellement, je trouve très violents et qui sont juste interdits au moins de 10, alors que pour moi, ils devraient être interdits au moins de 16. Pour moi, il faut une vraie réforme déjà là-dessus, parce que fatalement, si les institutions supérieures, elles permettent, en fait, elles disent plus ou moins aux parents, ça, c'est pas choquant, ça, c'est pas grave, alors qu'en réalité, ça l'est, bah déjà, ça banalise tout ça. Voilà pourquoi je commence pas. C'est pour. En fait, c'est quoi, on est en 2027 et il n'y a plus de problème. On peut plus tomber sur aucune image choquante sur Internet quand on a. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, le groupe qu'on est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait plus de problèmes ? Bah. Un sondage, peut-être. Un sondage. On a vu que c'était la raison qui revenait le plus. Ouais. Et peut-être que ça a fait polémique sur les plateaux télé et tout. La question du sondage, donc d'interroger les gens, savoir comprendre ce qui se passait. Et la question d'en parler, de diffuser l'information. Oui. C'est ça, ok. Kélia. Ou alors, tellement on a vu des images choquantes, ça ne choque plus. Pas mal celle-là. Oui, j'ai mal kiff. Je pense qu'il s'est passé quoi. Il n'y a pas être sur son comme ça. T'as dit manifester. Bah, peut-être on a manifesté. Alors, on a manifesté. Elle a dit quoi ? Non, on a été commandé là. Tu me redis ce que t'as dit ? On a manifesté. Alors, écoutez. Alors, en fait, ce serait une manifestation pour. Mélina, ce serait une manifestation pour dire qu'il y a un vrai problème et qu'il faut régler le problème. Oui. C'est ça, pour alerter en fait. Oui. Forcément. Déjà, les plus matures que moi, c'est en. Comment ça s'appelle quand on va dans des endroits par exemple on va dans un collège et on parle d'un sujet. Ouais, de la sensibilisation. Voilà, de la sensibilisation. C'est pas un hors sujet. Ah non, moi je l'avais noté comme un sujet. Je suis très bien. C'est pas le sujet. Je sais pas. Ça fait 3 semaines passées. Il y a eu les vacances. Et la rentrée, elle est toujours dessus. Et alors ? Mais elle coupe. Je parlais du SMIC la dernière fois, elle est restée bloquée. Alors, ici. Moi, c'était pareil, les manifestations. Ouais. Alors, j'ai un truc que j'ai pas dit, c'est que quand on est d'accord avec un rêve, on peut faire ça. Okay. Et on rajoute un plus à côté. Et j'avais aussi autre chose. Ouais. On écrit une lettre au président. Ouais, super. Allez. Et si c'est Zemmour ? Mais je m'en fous, Zemmour. Zemmour, il veut pas des arabes. Enfin, non, on a écrit. Ça m'a fait penser au travail que j'ai fait en fait. Je fais un devoir sur l'égalité homme-femme. Bref. Examen, là je crois que j'ai tout niqué. Inch'Allah, y'a Rabbi. Qui vous quittez d'accord pour les manifestations ? 1, 2, 3, 4, 5. Dene Dene Niyam. Sensibilisation dans les écoles, moi j'étais en plus aussi. Des plus chauds. Ah oui. Mais ça c'est pas, on dit pas, on, c'est pas les muets ou les sourds là qui ils applaudissent. Voilà. Au président, en gros on s'est plaint. Ouais. Mais voilà que. Moi j'ai écrit une fausse lettre au président et voilà qui est super bien. Envoyez un message au président. Bah non, comment ça il y a des problèmes. Imagine il y a des gens qui sont choqués et après ça les perturbe et tout. En fait, tu sais que des gens ils peuvent devenir fous. Hein. Là, on est dans un rêve. On a le droit de rêver. En fait, le problème, il a été résolu. Qu'est-ce qui s'est passé qui a permis ça ? Il faudrait peut-être que les groupes russes aussi ils arrêtent. Hein. Alors on passe à Lila. Est-ce que tu veux, tu rêves. On a réglé le problème à ton j'ai avis. J'ai jamais rêvé de ma vie. Bah, c'est le moment de commencer. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait plus ce problème-là des images choquantes? J'aimerais qu'il se soit passé quoi. Bah, je sais pas. Je crois Snapchat, il a pris un peu plus de maturité. Ah, Snapchat, ils ont changé leur règles en fait. Ouais, je crois ils ont genre. En plus avant. Enfin, avant, non, mais... Genre, en fait, il y a une consigne quand tu installes l'application. Ça dit que, genre, s'il y a une image ou je ne sais quoi qui est, genre, hors des consignes de... Ouais, voilà. Ouais. Et ben en fait, ils bannissent ce compte. Ouais. Et non, en fait, Donc, peut-être ils ont fait... ils ont embauché plus de régulateurs qui s'occupent de bannir les images choquantes, c'est ça? Ouais, bah, en plus... qu'est-ce que là? Et genre... je sais pas, moi je dis, Snap, il doit prendre un peu plus de maturité. Donc, pas que les humains, Snap, les applications aussi. Ils ont changé leurs règles de fonctionnement. Ouais. Et ils ont des vraies personnes qui régulent. Et puis, faut arrêter, hein, parce que Snap, c'est pas un film porno, quoi. Franchement, il y a des applications. On a mis par cercle, après il y aura d'autres cercles. Moi, j'avais la même idée que Besma. Alors, c'était l'idée de sensibilisation? Dans les écoles, dans c'est les collèges ça, c'est ok, ça. Super. Je maîtrise pas trop l'outil. Tu rêves pas beaucoup, toi? si. Non, mais après, moi, je suis... ne maîtrisant pas les réseaux sociaux, je comprends pas qu'il y ait pas plus de régulation sur les contenus et sur la possibilité que les gens ont de faire des échanges. Mais je maîtrise pas suffisamment pour savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Ouais. Ok. Alors, moi j'en avais plusieurs. Aïe, on a eu un accident. Oui, alors il y a même une éponge là-bas derrière si tu veux. Il y en a qui ont déjà été dit. Donc, j'avais aussi l'enquête de terrain, là, le sondage. J'ai pas mis plus, mais je l'avais aussi. Oui. On a fait une séance de porteurs de parole dans la rue. Vous savez ce que c'est, les porteurs de parole? C'est pas les gens qui envoient les micros. Alors, c'est presque un peu... Ouais, c'est un peu l'idée. En fait, l'idée, c'est d'arriver dans la rue à plusieurs avec des grands panneaux et des phrases. Par exemple, comme on a fait un peu le débat là, mouvant, des petites phrases. Et on invite les gens à réagir, à dire juste... Ils arrivent, ils passent devant nous et ils disent ce qu'ils pensent de notre phrase, s'ils sont d'accord, pas d'accord, ils donnent leur avis. Ça permet d'avoir des échanges, de discuter et de sensibiliser les gens sur le problème, mais des gens, n'importe qui passent dans la rue. Donc voilà. Attends, on va faire le tour. Il y a Elodie qui s'enfuit. Franck, est-ce que tu as des rêves? Moi, je rêve... Tout seul. Alors Franck, il a un rêve à nous partager. Mes filles, juste, je veux vous partager mon rêve. Hein? Moi, je rêve que du coup, on demande aux personnes leur carte d'identité pour qu'il y ait leur âge, pour créer un compte, pour éviter de créer 50 000 comptes, pour éviter de... Voilà. Surtout qu'on peut mentir sur l'âge en vrai quand ils nous le demandent. Donc on contrôle les identités. Mais grave. Parce que moi quand l'âge passe à super âge, on commence. Donne sa carte d'identité pour. Ouais. Enfin, ouais. Il y a un vrai contrôle au niveau de l'âge. Et puis l'identité du coup on peut pas rendre compte. C'est-à-dire que s'il y a de la diffamation, du harcèlement, la personne soit facilement identifiable en fait, tout simplement. Et du coup elle pourrait être poursuivie. Ouais. Vous avez entendu le rêve de Franck? Oui. Ok, c'est un autre rêve. Ouais. Sa carte d'identité. Voilà. Je suis fainéant un peu, toi, donc je mets des abréviations. CNI même. Ouais, CNI, carte nationale, c'est vrai. Moi, mon rêve, ça serait qu'on intègre le consentement dans l'envoi des photos. Et je pense notamment au dick pic, quand par exemple, vous pouvez recevoir, vous échangez avec un garçon et vous pouvez recevoir. Bah, clairement des photos de pénis sans l'avoir consenti, qui est en fait littéralement un... Non mais c'est le cas, ça existe. Et qu'en fait, il y ait quand il y a des échanges avec quelqu'un qui a, je sais pas, une case à cocher, de dire j'autorise telle personne à m'envoyer une photo, j'autorise telle personne à m'envoyer une vidéo. Parce qu'on peut très bien échanger avec quelqu'un uniquement par message sans avoir envie de recevoir ce genre de contenu. Et au final, bah, on les reçoit. Voilà, contre. C'est... Voilà. Donc comment je peux le résumer? Bah, en gros. Mais pas dans le sens des gens qui envoient, parce qu'on sait très bien qu'ils le font pas, mais qu'il y a un filtre de l'application en fait. L'application, elle filtre et qu'elle. Qu'il y a un panneau en fait, qu'on détecte qu'il y a une photo qui s'envoie en fait et que. Ouais, c'est vrai. De quoi? J'ai pas de rêve. Hein. Non, j'ai déjà dit. En plus, c'est un rêve qui est en rapport avec ça, donc non. Votre rêve. Faites passer. C'est de te marier. C'est du matériel. Qu'est-ce qu'elle chienne, Jacques? Moi. On a eu. Bah, elle chie, hein. On a eu une réunion avec les. Comment ça s'appelle? Des présidents des applications, là. Je sais pas. Je sais pas c'est qui, moi. On a eu une réunion et tout ça. Elle chie, hein. Et on a. Je sais pas, on a parlé, on a essayé de raisonner, en gros, pour renforcer les applications. Tu vois grand. Ben, mon rêve, c'est de devenir riche. Est-ce que ça a réglé le. Une fois que t'es devenu riche, est-ce que ça a réglé le problème? Avec ma fortune, je change les applications et c'est moi qui, en fait. Qui met les règles. Ouais, c'est moi qui mets les règles. C'est moi qui va voir ce que vous envoyez, bande de cochonnes. Et vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, que les responsables des applications, eh ben, tous, ils ont des enfants dans votre âge, et la plupart du temps, ils les mettent dans des écoles où il n'y a pas de portable, où il n'y a pas de réseau. Ils fabriquent ça, cette application. Alors que ils ne les utilisent pas, ouais. Ouais. Alors. J'en avais un dernier, mais du coup, ouais. Nous avons créé une chaîne de solidarité contre le harcèlement en faisant une chorégraphie sur TikTok avec un texte qu'on a écrit et où on s'engageait chacune à... On prenait des engagements et on donnait des conseils aux plus jeunes. J'ai plus officiellement TikTok. C'est comme TikTok, sauf que c'est TikTok. Est-ce qu'il y a encore des rêves? Le tour des rêves. On continue le tour des rêves. N'hésitez pas à rêver encore, tant qu'il y a. J'en ai pas.